Thank you. C'est sur notre serveur, on a cassé les couilles. Joli ton son de clavier là, j'aime bien. Ah, c'est Phantom, c'est. Saint-Étienne, il s'est trompé. Attention, attention, le train en direction du bœuf va partir. Quel numéro 1 là ?